إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، aujourd'hui ce sera l'assise numéro 7 inshallah ta'ala des assises du mois de Ramadan tiré du livre de Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et bien sûr je me contente de résumer ce que le cheikh dit, rahimahullah ta'ala, car le fait de tout lire et de tout traduire prendrait beaucoup de temps. Le but étant d'essayer de finir, inshallah ta'ala, toutes ces assises du mois de Ramadan, pendant ce mois de Ramadan, inshallah ta'ala. Ainsi, je résume la parole du cheikh, rahimahullah ta'ala. Donc l'assise aujourd'hui portera sur les comportements que l'on doit avoir et que l'on doit adopter pendant le mois du Ramadan. Et de façon précise pour celui qui jeûne. Celui qui jeûne doit adopter un grand nombre de comportements. Certains de ces comportements sont obligatoires et peuvent remettre en cause la validité de son jeûne, et d'autres comportements sont louables et sont recommandés, et plus le jeûneur les accomplit et plus son jeûne sera complet et sa récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sera plus grande. Parmi les comportements obligatoires dont doit se doter le jeûneur, c'est d'accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accomplir les adorations obligatoires, que ce soit des adorations faites à travers la langue ou à travers les membres du corps, que ce soit des paroles ou des actes obligatoires. Le musulman et le jeûneur de façon particulière se doit de les accomplir entièrement. Et l'obligation, le comportement obligatoire le plus important, sont l'accomplissement des prières obligatoires, qui est le pilier le plus important après l'attestation que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son envoyé et son messager. Ainsi, nous devons préserver ces prières. Nous devons les accomplir comme il se doit, en respectant leurs piliers, en respectant les piliers de la prière, en respectant les obligations de la prière, en respectant les conditions de la prière, et d'accomplir cette prière en groupe à la mosquée. Cela fait partie de la piété. Et la piété est le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le jeûne. La'allakum tattaqoun, dans les versets du Siyam, Allah azza wa jalla termine ce verset par « Peut-être atteindriez-vous la piété ». Donc le but de notre jeûne, c'est de faire preuve de piété vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or la piété, c'est accomplir les ordres d'Allah et délaisser ses interdits. Le fait donc de manquer à cette obligation qui est de prier, cela contredit la piété, à taqwa. Et cela amène, wal'iyadu billah, à être éligible au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, lorsqu'il parle de ceux qui délaissent la prière, leur châtiment est douloureux. Il dit subhanahu wa ta'ala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Allah Azza wa Jal, dans Surat Maryam, dit selon le sens des versets, puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivent leur passion, ils se trouveront en perdition. Et dans l'autre verset, Allah Azza wa Jalla nous relate cet échange qu'il y aura entre les gens du paradis et les gens de l'enfer. Lorsque les gens du paradis diront aux gens de l'enfer, « قَالُوا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ » ils diront, « Qu'est-ce qui vous a amené à Saqar ?» qui est un des noms de l'enfer, « وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ » Leur réponse sera, « قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ » La première justification, la cause première de leur présence en enfer, « وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ » est qu'ils ne faisaient pas partie des prières. « لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ » « وَلَمْ نَكُمْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ » et nous ne donnions pas à manger aux pauvres jusqu'à la fin du verset. Et malheureusement, certains jeûneurs font preuve de manquement vis-à-vis de la prière en groupe, alors que celle-ci est obligatoire pour les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné dans son noble livre. Lorsqu'Allah azza wa jal parle, dans Surat An-Nisa, de la prière de la peur, la prière qui est accomplie en temps de guerre, lorsque le combat avec l'ennemi est engagé, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا أَيْ يَعْنِي أَتَمُّوا صَلَاتَهُمْ فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. الله عز وجل dit dans ce verset 102 de sourate An-Nisa, dans le sens rapproché de ce verset, « Et lorsque tu te trouves parmi eux, c'est-à-dire parmi ceux qui combattent, et que tu les diriges dans la prière. » Donc ici, Allah Azza wa Jalla s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lorsqu'il participe aux batailles en compagnie de ses compagnons radiyallahu anhum, et qu'il est amené à diriger la prière, alors qu'un groupe d'entre eux se mette debout en gardant leurs armes, qu'ils se mettent debout derrière toi pour prier. Faïda sajadou, lorsqu'ils ont terminé la prosternation, c'est-à-dire la prière, qu'ils passent derrière vous et que vienne l'autre groupe qui n'ont pas encore célébré la prière pour venir l'accomplir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une des façons d'accomplir la prière de la peur, à savoir qu'un groupe vient accomplir une raka'at avec l'imam, puis se retire, et le deuxième groupe vient accomplir une autre raka'at, qui sera la deuxième pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la première pour eux, et le premier groupe se place derrière afin de les protéger de l'attaque des ennemis. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la prière en groupe, dans un moment de peur et de guerre. Et différentes façons d'accomplir cette prière de peur sont rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si Allah azza wa jal insiste sur le fait d'accomplir cette prière en groupe en temps de peur et de guerre, alors l'accomplissement de cette prière en groupe, son caractère obligatoire est encore plus prononcée et plus actée lorsque l'on se trouve en temps de paix. Et dans le hadith d'Abu Hurayrah radiallahu anhu, أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فرخص له فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولى دعاه أي لما رجع هذا الرجل الأعمى دعاه أي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجب. Dans le hadith d'Abu Hurayrah radiallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, qu'un homme aveugle est venu au prophète صلى الله عليه وسلم. Il lui a dit, ô envoyé d'Allah, je n'ai personne avec moi pour m'accompagner afin d'accomplir ma prière à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors donné la dérogation de prier chez lui. Puis l'homme s'en alla et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé. Et lui a dit, entends-tu l'appel à la prière? L'homme a répondu oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, fa'ajib, réponds donc alors à cet appel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a finalement pas autorisé à cet homme aveugle qui n'a personne avec lui pour l'accompagner à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas autorisé de prier chez lui et de délaisser la prière en groupe. Celui qui délaisse sa prière en groupe, en plus du fait qu'il a délaissé une obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est aussi privé d'un grand nombre de bonnes actions. Car la prière accomplie en groupe est décuplée. Sa récompense est décuplée. Comme le dit le prophète alayhi salatu wa salam dans le hadith de Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Salatul jama'ati tafdulu ala salatil fadhi » La prière en groupe est meilleure que la prière accomplie seule de 27 degrés. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité de 25 degrés. Et les paroles des savants ont divergé sur l'explication. Et comment réunir entre ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de 25 degrés et d'autres où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de 27 degrés, que la prière en groupe est meilleure de 27 degrés que la prière accomplie seule. Certains savants ont dit que les 25 que les 25 degrés ne contredisent pas les 27 et que les 25 sont inclus dans les 27. D'autres savants ont dit que les 27 degrés concernent les prières accomplies à voix haute et les 25 degrés les prières accomplies à voix basse. À la kulli hal, accomplir sa prière en groupe à la mosquée est plus que méritoire. Au-dessus de son caractère obligatoire pour les hommes, son mérite et les bonnes actions qui en découlent sont grandes. De même que celui qui délaisse la prière en groupe passe à côté de nombreux bienfaits sociaux que ressent le musulman lorsqu'il se retrouve à accomplir la prière avec d'autres musulmans. Ceci fait ancrer l'amour entre les musulmans, la bonne entente entre eux, le fait que les musulmans se rejoignent et se rencontrent et se réunissent à la mosquée 5 fois par jour, cela entretient leurs relations. Cela permet d'enseigner à l'ignorant. Cela permet également d'aider celui qui est dans le besoin. Cela permet de savoir qui est absent et de demander après lui, s'il est malade, d'aller lui rendre visite, ainsi de suite. Donc les mérites de l'accomplissement de la prière en groupe sont extrêmement nombreux. وبترك الجماعة يعرض نفسه للعقوبة ومشابهة المنافقين. Celui qui délaisse la prière en groupe expose sa personne au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et ressemble aux hypocrites. Les hypocrites, comme l'a dit Allah azza wa jal, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. Que les hypocrites sont dans les profondeurs les plus basses de l'enfer et ils ne trouvent là-bas aucun secoureur. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. Dans le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam dit que la prière la plus difficile, les prières les plus difficiles pour les hypocrites sont les prières de l'Isha et du Fajr. Et s'ils savaient ce qu'il y a comme mérite dans l'accomplissement de ces prières, ils s'y rendraient même en rampant. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه disait: Et si tu nous voyais, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne délaissait la prière en groupe si ce n'était l'hypocrite, celui dont l'hypocrisie était claire et évidente. Et l'on apportait un homme supporté par 2 autres hommes qui venaient le placer sur le rang. Ainsi étaient les compagnons radiallahu anhum. Même s'ils n'avaient pas la possibilité physique de se déplacer seuls, ils se faisaient aider par d'autres compagnons radiallahu anhum qui les prenaient jusqu'à les installer sur le rang afin d'accomplir leur prière en groupe. Et malheureusement, un certain nombre de jeûneurs passent outre cette obligation et certains dorment pendant l'heure de la prière, et ceci est un mal immense, et ceci fait partie du fait de délaisser la prière et d'être négligent vis-à-vis d'elle, au point que certains savants ou un grand nombre de savants disent que celui qui retarde l'accomplissement d'une prière après que son heure soit écoulée, sans raison juridique, sans raison islamiquement acceptée, sa prière ne sera pas acceptée de lui, même s'il accomplit cette prière 100 fois de suite. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa rad. Celui qui accomplit un acte qui ne correspond pas à notre commandement est rejeté. Or, la prière accomplie en dehors de son heure ne fait aucunement partie des ordres que nous a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est donc rejetée et non acceptée. Parmi les comportements obligatoires que se doit de se doter le jeûneur, il doit délaisser tous les interdits d'Allah, tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit des paroles ou des actes. Il doit délaisser le mensonge. Le mensonge qui signifie le fait d'informer et de dire une chose qui est contraire à la réalité. Et le plus grand des mensonges, le plus immonde des mensonges, est le fait de mentir sur Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala ou à son prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation d'une chose qui en réalité est interdite, ou l'interdiction d'une chose qui en réalité est autorisée. Allah Azza wa Jal dit dans Surat An-Nahl: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ متاع قليل ولهم عذاب أليم. Dans le sens du verset, Allah Azza wa Jalla dit: et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne connaîtront pas la réussite. Peu de temps s'écoulera et ils subiront un châtiment douloureux. De mentir au sujet d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des grands péchés en islam. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit dans le hadith d'Abu Hurairah radiallahu anhu rapporté par Al-Bukhari et Muslim: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Celui qui ment à mon sujet de façon volontaire, qu'il se réserve alors sa place en enfer. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب فقال إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّبًا. Et dans le hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre le mensonge en disant: prenez garde au mensonge, car le mensonge amène à la turpitude, et la turpitude amène à l'enfer. Et l'homme ne cesse de mentir et de rechercher le mensonge jusqu'à être inscrit auprès d'Allah comme étant un menteur. كما أن الصائم عليه أن يجتنب الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. Également, le jeûneur se doit de s'abstenir de la médisance. Et la médisance, sa définition est de citer ton frère en son absence, par des choses qu'ils détestent. De citer ton frère ou ta sœur en son absence par des choses qu'ils détestent. Que cette chose qu'ils détestent concerne son physique, comme les personnes boiteuses par exemple, ou les personnes borgnes, ou les personnes aveugles. Le fait de citer ce défaut de ton frère en son absence, dans le but de le blâmer, dans le but de lui porter atteinte, ceci est de la médisance. Ou le fait de citer une de ses caractéristiques mauvaises en son absence. Par exemple, une personne qui a perdu la raison, ou une personne qui est, excusez-moi le terme, imbécile, qui agit de façon inappropriée, ou un pervers. De citer ton frère par ses mauvais aspects en son absence, cela s'appelle de la médisance. Et la médisance est un grand péché en islam. Et ceci, que ce que tu as dit sur lui soit vrai ou non, que ce que tu as dit sur lui soit vrai ou non. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a été questionné sur la médisance. فقال هي ذكرك أخاك بما يكره. Le prophète صلى الله عليه وسلم a répondu, c'est le fait de citer ton frère par ce qu'il déteste. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. Le hadith rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur la médisance. Il a répondu, c'est le fait de citer ton frère par ce qu'il déteste. Il a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dis-tu lorsqu'il y a sur mon frère ce que j'ai dit? Autrement dit, que dis-tu, envoyé d'Allah, si cette chose que j'ai citée par rapport à mon frère est réelle? Ce n'est pas un mensonge, c'est véridique. Il a bel et bien ce défaut. Il a répondu, alayhi salatu wassalam, si ce que tu as dit sur lui est existant, alors tu as médit, tu as fait de la médisance sur lui. Et si ce que tu as dit n'est pas vrai, tu l'as alors calomnié. Tu l'as alors calomnié. Et beaucoup pensent que la médisance, c'est lorsque tu dis une chose fausse sur ton frère. Non. C'est justement lorsque tu dis une chose vraie qu'il ne veut pas que tu dises et qu'il n'aimerait pas que tu dises en son absence. Quant à mentir à son sujet et à dire sur lui ce qu'il n'a pas ou ce qu'il n'est pas, tu l'as alors calomnié. Wallahu subhanahu wa ta'ala naha 'anil ghibati fil Qur'an wa shabbahaha bi ashba'i surah shabbahaha bir rajuli ya'kulu lahma akhihi mayyitan. فقال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الله سبحانه وتعالى a interdit la médisance dans son noble livre, et il a comparé celui qui s'adonne à la médisance par une comparaison des plus horribles. Il a comparé celui qui parle et qui médit sur son frère comme un homme qui mange la chair de son frère mort. Il dit subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset, ne médisez pas les uns les autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر ليلة المعراج بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé d'un détail lors de son voyage et de son ascension, lors de son voyage nocturne et de son ascension aux cieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de son ascension, est passé à proximité d'un peuple qui avait des ongles de cuivre, des ongles en cuivre, et il se griffait par ses ongles leur visage ainsi que leur poitrine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à proximité de ce peuple et il a questionné Jibril alayhi salam en disant, mais qui sont ces personnes, ô Jibril? Jibril alayhi salam lui a répondu, ceux-là sont ceux qui mangent la chair des gens et qui parlent sur leur honneur et qui portent atteinte à leur honneur. Et le hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud dans ses sunan et authentifié par Cheikh l'Albani rahimahullah ta'ala. ويجتنب الصائم أيضا النميمة وهي نقل كلام شخص في شخص ليفسد بينهما وهي أيضا من كبائر الذنوب قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. Également la colportation, النميمة. Le jeûneur se doit de s'en abstenir. Et la colportation, c'est le fait d'apporter, de rapporter une parole d'une personne à une autre personne, dans le but de semer la zizanie et dans le but de semer l'animosité entre eux. Et cela fait partie des grands péchés en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'entre pas au paradis le colporteur. Celui qui transmet les informations d'une personne vers une autre dans le but de semer la zizanie entre eux. Et dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam marra bi qabrayni فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أي ليعذبان في أمر شاق عليهما أي ليعذبان في أمر يصعب تركه بل ترك هذا الأمر من أيسر وأسهل ما يكون ثم قال عليه الصلاة والسلام أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة رواه البخاري ومسلم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à proximité de deux tombes et il a dit, إنهما ليعذبان, les habitants de ces deux tombes sont en train de subir le châtiment. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. Et ils ne sont pas châtiés pour quelque chose qu'il était difficile de délaisser. Ils ne sont pas châtiés pour quelque chose qui était difficile à délaisser. Puis il a dit alayhi salatu wassalam, quant à l'un d'entre eux, il ne se protégeait pas de ses urines. Et quant à l'autre, il colportait entre les gens. Il faisait la colportation entre les gens et semer la zizanie entre eux. Nul doute que la colportation, an-namima, son mal est immense. Et son mal touche les individus comme les sociétés. Et cela amène à la division entre les musulmans. Or l'islam nous encourage à l'union entre les musulmans, à ce que les musulmans s'unissent et se retrouvent autour du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de ne pas prêter attention aux colporteurs. Si une personne vient te dire un tel a dit telle et telle chose sur toi, tu te dois de le réprimander comme il se doit, afin qu'il ne recommence plus ce grand péché, et de lui dire: pourquoi me rapportes-tu cette parole? Ne sais-tu pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit an-namima? Quel est le but de me rapporter cette information? Veux-tu semer la zizanie entre les musulmans? Veux-tu que l'amour qui lie les musulmans se transforme en haine et en animosité? Crains Allah et abstiens-toi de faire ce grand péché avant qu'il ne soit trop tard et avant que l'ange de la mort n'emporte ton âme avant que tu n'aies eu le temps de te repentir. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Qalam, les versets 10 et 11: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. Il dit Azza wa Jal dans le sens du verset: Et n'obéis à aucun grand jureur, méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance. Et sache, mon frère en Allah et ma sœur en Allah, que ce colporteur de médisance qui vient à toi soi-disant pour te rapporter une information de haute importance, de la même façon qu'il t'apporte ce que les gens disent sur toi, eh bien il fera la même chose dans l'autre sens. Et ira voir les autres pour leur colporter les paroles que tu as proférées. Ainsi, celui qui colporte les informations, nous devons de nous montrer extrêmement prudents à son égard et de s'en éloigner autant que possible. وَيَجْتَنِبُ الصَّائِمُ الْغِشَّ فِي جَمِيعِ الْمُعَامَلَاتِ وفي جميع المناصحات لأن الغش من كبائر الذنوب وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله فقال من غشنا فليس منا وفي لفظ في صحيح الإمام مسلم من غش فليس مني. Le jeûneur doit également s'abstenir de toute forme de tromperie et de trahison, que ce soit de la tromperie liée à des transactions, que ce soit une transaction de vente, d'achat, de location ou de dépôt de garantie ou autre, Ne pas trahir également celui qui vient te demander conseil. Prodigue-lui un conseil sincère. Et ne trahis pas la confiance qu'il a en toi en lui prodiguant des conseils qui seront pour lui néfastes au lieu d'être bénéfiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de toute personne qui trompe ou qui trahit. Il dit alayhi sallatu wassalam, celui qui nous trompe ne fait pas partie des nôtres. Et il dit alayhi sallatu wassalam, celui qui trompe ne fait pas partie de moi. Al-Rishou, la tromperie, c'est donc une ruse. La tromperie est une trahison. Par la tromperie, les dépôts sont violés. Et la tromperie fait malheureusement disparaître la confiance qu'il y a entre les gens. Et tout bien perçu par la tromperie est un bien qui est mauvais et interdit. Et ce bien, que ce soit de la nourriture ou un bien matériel, lorsque la personne en profite, eh bien, plus elle en profite et plus elle s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûneur doit également s'abstenir d'écouter et d'utiliser toute forme d'instrument de musique, car ceci est interdit à l'unanimité des savants. Et son interdiction est plus grave lorsque ces instruments de musique sont accompagnés de chants qui ont un impact sur la personne. Allah subhanahu wa ta'ala, dans surat Luqman, dit: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, lorsqu'il a été questionné sur ce verset, a dit: par Allah, par celui dont nul ne mérite d'être adoré que lui, c'est la musique. Et cela a été cité également d'après Abdullah ibn Abbas, d'après Abdullah ibn Umar, et l'imam Ibn Kathir rahimahullah a cité d'après Jabir wa Ikrimah wa Sa'id ibn Jubayr wa Mujahid que ce verset est descendu sur les chants et les instruments de musique. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, a même cité l'utilisation des instruments de musique et donc de ce fait l'écoute de la musique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a associé ce péché au péché de la fornication, au péché de la consommation de l'alcool et au péché de porter de la soie pour les hommes. Il dit alayhi salatu wa sallam: la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ. Il viendra dans ma communauté des peuples qui rendront licite la fornication, la soie, l'alcool et les instruments de musique. Et malheureusement, c'est ce que nous constatons à notre époque. Les gens, wal'iyadh billah, tombent dans la fornication Et certains même ne s'en cachent plus, wal'iyadu billah, comme si cette fornication était autorisée par Allah subhanahu wa ta'ala. Or, c'est un grand péché en islam. C'est un des 7 péchés capitaux interdits par Allah subhanahu wa ta'ala et par son prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Allah azza wa jalla nous interdit même d'approcher la fornication. وَلَا تَقَرَبُ الزِّنَا. N'approchez pas la fornication. Et si Allah azza wa jalla nous interdit d'approcher la fornication, c'est-à-dire de commettre des choses qui pourraient amener à forniquer, ces choses, ces moyens sont eux-mêmes interdits. Que dire d'accomplir cet interdit ultime, wal'iyadu billah, qui est d'accomplir la fornication. Également, nous constatons à notre époque que certains s'autorisent l'écoute de la musique et mettent de côté tous ces textes dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces nombreuses paroles de compagnons radiallahu anhum et ces nombreuses fatwas des savants qui tous interdisent l'utilisation des instruments de musique et l'écoute de la musique de par ce qu'elle engendre comme turpitude et de par ce que la musique corrompt comme comportement. Wal'iyadu billah. Et malheureusement, beaucoup écoutent la musique et se l'autorisent. Certains même écoutent plus de musique qu'ils n'écoutent de Coran, plus de musique qu'ils n'écoutent de rappel, plus de musique qu'ils n'écoutent de paroles de savants. Le musulman se doit donc de préserver son jeûne et de ne pas accomplir des interdits qui viendront le rendre caduc. Nous devons préserver et protéger ce jeûne contre les paroles mauvaises et contre les actes mauvais. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Man lam yada' qawl az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa sharabahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles ainsi que les mauvais actes, Allah subhanahu wa ta'ala n'aura alors nul besoin que cette personne s'abstienne de boire et de manger. Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu disait: إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَحَارِمِ وَدَعْ عَنْكَ أَذَى الْجَارِ وليكن عليك وقار وسكينة وليكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه un illustre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque tu jeûnes, que ton ouïe jeûne, que ta vue jeûne, que ta langue jeûne vis-à-vis du mensonge et des interdits, et délaisse toute offense et tout préjudice que tu pourrais porter à ton voisin, fais preuve de quiétude et de sérénité, et que le jour où tu jeûnes, comme le jour où tu ne jeûnes pas, que le jour où tu jeûnes et le jour où tu ne jeûnes pas soient identiques et similaires. C'est-à-dire que ta motivation, ton dévouement à adorer Allah subhanahu wa ta'ala doit être le même lorsque tu jeûnes et lorsque tu ne jeûnes pas. Et ta peur de tomber dans l'interdit et de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et les efforts que tu déploies pour ne pas tomber dans les interdits d'Allah, ils doivent être les mêmes quand tu jeûnes et quand tu ne jeûnes pas. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين